Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 5 mai une couronne mortuaire devant le cercueil du scientifique du peuple, académicien par correspondance, professeur et docteur Choi Dong-yun, chercheur de l'université Kim Il-sung, en signe de ses profondes condoléances à son décès.